بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل قراءتنا ودراستنا بحول الله جل وعلا في هذا الكتاب، كتاب التوحيد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب قول الله تبارك وتعالى ملك الناس. فذكر المصنف الإمام البخاري في هذا الباب باب قول الله تعالى ملك الناس، وفيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Donc on va continuer, inshallah, sans plus attendre sur l'étude d'un nouveau chapitre. Donc dans la dernière allocution, dans la dernière assise, on a terminé l'étude du chapitre précédent, qui était dédié à l'étude de deux noms parmi les noms sublimes d'Allah, As-Salam ou Al-Mu'min. As-Salam ou Al-Mu'min. Et donc on avait dit dans les cours précédents qu'on pouvait rester sur les termes en arabe maintenant, puisqu'on les avait appris avec leur sens. On avait bien expliqué leur sens en français. Donc on avait explicité la signification de ces noms. On avait dit que donc le chapitre précédent qu'on a étudié était consacré et dédié à l'étude de ces deux noms sublimes d'Allah, Jalla wa Ala, As-Salam ou Al-Mu'min. Donc on avait bien insisté sur les significations de ces noms pour que le croyant puisse comprendre réellement et véritablement le sens de ces noms sublimes d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Ensuite, l'auteur, l'imam al-Bukhari, nous avait mentionné le hadith où qu'il y a la citation du tashahhud. Et donc dans les cours précédents, on a parlé du tashahhud, on a parlé d'essence de cette formule, des différents mots qui sont mentionnés dans la formule. On a explicité et expliqué l'essence et les significations des termes utilisés dans la formule. Et ensuite, dans le dernier cours, dans le cours d'hier, on a appris certaines questions et on a appris aussi certains points ou certains enseignements profitables et bénéfiques qui sont renfermés dans ce tashahhud, dans cette formule qui est immense et qui fait partie des trésors que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et donc on a passé un peu de temps dans l'étude du tashahhud, vu l'importance de cette formule et de ce dua, de cette invocation, et du fait aussi qu'on l'a dit pendant la prière. Donc c'est quelque chose d'important que le musulman, lorsqu'il prie, qu'il connaisse les significations des mots qu'il emploie et qu'il dit. Maintenant, on va apprendre un nouveau chapitre et essayer de comprendre, hein, le lien qu'il y a, essayer de méditer et de réflexionner sur les chapitres que mentionne l'imam al-Bukhari rahimahullah, l'auteur de ce livre de l'unicité. On a pu remarquer que l'auteur, dans son recueil authentique, à travers les chapitres qu'on a étudiés précédemment, alors l'auteur nous a enseigné des noms parmi les noms divins, parmi les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a pu étudier aussi l'attribut de la miséricorde, du fait qu'Allah est le tout miséricordieux, parmi les noms sublimes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, Ar-Rahman, et donc Allah, Jalla wa Ala, a l'attribut de la miséricorde. On a appris qu'Allah, subhanahu wa ta'ala aussi, était celui qui est le dispensateur de la subsistance des êtres. Et donc Allah, Jalla wa Ala, est le pourvoyeur et le grand dispensateur. C'est lui qui octroie la subsistance aux êtres. On a appris aussi que Allah subhanahu wa ta'ala était le détenteur de la force, qu'Allah jalla wa ala huwa dhu al-quwwati al-matin, et qu'Allah jalla wa ala huwa al-matin, et à lui l'attribut de al-matana. Et dans le chapitre précédent, on a appris que Allah jalla wa ala aussi huwa as-salam, c'est as-salam, et parmi ses noms sublimes huwa al-mu'min. Et donc c'est très important ici, ces chapitres sont d'une importance capitale et majeure pour le croyant, lorsqu'il veut connaître son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et dans ce nouveau chapitre, que mentionne ici, qu'a rédigé l'imam al-Bukhari, on va apprendre un autre nom d'Allah, Jalla wa Ala. Donc ce chapitre va être dédié à l'étude d'un des noms sublimes d'Allah qui est Al-Malik, Al-Malik, le souverain, le roi. Et en l'occurrence ici, l'imam al-Bukhari stipule bien ici, le roi ou le maître, le souverain des hommes. Pourquoi? Parce que il fait référence au verset 3 de la sourate An-Nas, ou plutôt au verset 2 de la sourate An-Nas. Et donc là, l'imam al-Bukhari, donc lorsqu'il utilise ce verset en guise de titre et d'intitulé à ce chapitre, donc on comprend bien qu'on va apprendre ici à travers ce chapitre, il y aura l'étude de ce nom immense et sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Malik. Al-Malik, le souverain, le roi, le maître des hommes. Et ici, là, donc utiliser, comme on a dit précédemment, le verset 2 de sourate, An-Nas de la sourate des hommes. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, dans son commentaire, il va commencer à expliquer le nom Al-Malik en utilisant l'explication d'Al-Hafidh Ibn Hajar dans son explication et son commentaire de Sahih al-Bukhari, puisque vous savez, vous n'ignorez pas que Al-Hafidh, le grand érudit Ibn Hajar al-Asqalani, a commenté tout l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et son livre s'appelle Fath al-Bari, et c'était c'est l'un des meilleurs commentaires, l'un des commentaires les plus célèbres, et les savants se basent et s'appuient beaucoup sur ce commentaire. Donc on voit qu'au départ, Cheikh Ibn Uthaymeen va commencer en faisant référence à une citation de l'Hafidh, de l'érudit Ibn Hajar, rahimahullah, dans son commentaire, lorsqu'il va commencer à commenter le nom, à expliquer le nom Malik Innas, c'est-à-dire le verset 2 de Sourate An-Nas. Et lui-même, l'Hafidh Ibn Hajar, va s'appuyer sur la parole de l'imam al-Bayhaqi, de l'imam al-Bayhaqi. Donc lui-même, l'Hafidh, l'érudit Ibn Hajar, dans son commentaire du verset Malik Innas, il va faire une citation en mentionnant la parole de l'imam al-Bayhaqi, lorsqu'il dit que al-Malik ou al-Malik ou al-Khassu al-Mulk, ma'naahu fi haqqillahi ta'ala, al-Qadiru ala al-Ijad, wa hiya sifatun yastahiquha li dhati. Wa qala al-Raghib, al-Malik al-Muttasifu bil-Amri wal-Nahi, wa dhalika yakhtassu bi-an-Natiqin. Après avoir fait référence à cette parole et à ce commentaire de l'Hafidh lorsqu'il fait la citation de la parole de l'imam al-Bayhaqi, ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen, après qu'il fait la référence à cette citation, il va expliquer le hadith qu'a mentionné l'imam al-Bukhari. Donc nous, pour bien comprendre le nom, on va tout de suite passer à l'étude du hadith qu'a mentionné l'imam al-Bukhari. Ensuite, on reviendra justement sur l'étude du verset qu'a mentionné l'imam al-Bukhari, le verset 2 de la sourate Les Hommes, pour bien comprendre. Donc on a dit que l'imam al-Bukhari, en guise d'intitulé de titre à ce chapitre, a utilisé le verset 2 de la sourate Les Hommes. Donc dans l'explication du hadith qu'a mentionné l'imam al-Bukhari, donc on va revenir, inshallah, sur l'explication du nom al-Malik, le souverain, le maître, le roi des hommes, et on essaiera de mieux comprendre, inshallah, le sens et la signification de ce nom. L'imam al-Bukhari, lorsqu'il mentionne le hadith, ensuite, après avoir mentionné le verset, il dit: « وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد وهو ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. ثم يقول: أنا الملك، أين الملوك الأرض؟ أو أين ملوك الأرض؟ وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة. Donc ensuite l'imam al-Bukhari mentionne, après qu'il ait mentionné la chaîne de transmission d'après Ahmed ibn Salih, d'après Ibn Wahb, qui lui a informé, dont il a pris ce récit Yunus, An ibn Shihab, An Sa'id, wa huwa ibn al-Musayyib, An Abi Hurayra. Donc le hadith, c'est le hadith de Abu Hurayra. Donc cette chaîne de transmission que mentionne l'imam al-Bukhari, elle remonte jusqu'au compagnon Abu Hurayra, et qui remonte donc jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et le prophète a dit donc dans ce hadith, donc dans une traduction rapprochée du récit, donc Abu Huraira, le compagnon, nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, il fera de la terre une seule poignée. Il fera de la terre une poignée. Et il pliera les cieux de sa droite, de sa main droite, et il dira: An al-Malik, je suis le roi, je suis le souverain. Aina mulukul ard, où sont les rois qui étaient sur terre? Où sont les rois qui étaient sur terre? Et donc, vous avez vu, c'est un hadith qui est immense, que rapporte l'imam al-Bukhari, qu'on va étudier à travers l'étude de ce chapitre. Donc, dans ce récit, pour revenir, inshallah, sur les termes, on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne que le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala pliera les cieux. De sorte qu'il en fera, ou plutôt la terre, il en fera qu'une poignée. Il fera qu'une poignée de la terre le jour de la résurrection, et il pliera les cieux de sa droite. Thumma yaqul, et là il dira: je suis le roi. Je suis le roi. Donc on voit l'élément illustrant ici dans le récit, c'est la partie où Allah jalla wa ala ensuite dira: je suis le roi. Donc c'est le même mot, c'est le même nom qui est mentionné ici, c'est Al-Malik. Al-Malik. Donc aussi bien l'imam al-Bukhari, dans l'intitulé du chapitre, il a mentionné le verset 2 sur les hommes en mentionnant Malik al-Nas. Et là, donc vous avez vu qu'il y a la mention claire du nom Malik. Et dans ce hadith aussi, il y a la mention du nom Malik. Donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre maintenant, lorsqu'Allah Jalla wa Ala dit qu'il est le roi, et donc le roi, le Malik, qu'on traduit de cette manière, fait partie des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour comprendre cela, في هذه الترجمة, الشيخ العثيمين dans les commentaires nous dit: في هذه الترجمة إثبات الملك اسما من أسماء الله وقد ورد على ثلاثة أوجه فيما أعلم مضافا إلى الناس مضافا إلى الدين ومطلقا فالمطلق كقوله تعالى الملك القدوس والمضاف إلى يوم الدين ملك يوم الدين على إحدى القراءتين والمضاف إلى الناس ملك الناس وبهذا نعرف أن الملكية المطلقة في الدنيا والآخرة لله عز وجل فملك الناس هو ملكهم في الدنيا والآخرة وملك يوم الدين وملك يوم الدين هو الملك الذي تظهر ملكيته أو ملكوته في يوم الدين حين لا يوجد ملك في ذلك الوقت ولهذا يقول الله جل وعلا لمن الملك اليوم فيجيب نفسه لله الواحد القهار. Et donc, regardez dans son explication, premièrement, Shem al-Athaymin nous confirme, il nous dit, donc on peut comprendre à travers l'intitulé de ce chapitre, il dit qu'il y a Ithbat al-Malik, il y a la confirmation, l'affirmation du nom, d'un des noms parmi les noms sublimes d'Allah qui est al-Malik. Et il dit, selon ma connaissance, on peut retrouver l'utilisation et la mention de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Il est mentionné cela de trois manières. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle en arabe mudafan, il est mudaf. Donc il est annexé. Et On peut retrouver, il dit dans le Coran, selon sa connaissance à lui, Cheikh nous dit, on peut retrouver mentionné de trois manières. Soit il est mudaf ila nas, soit mudafan ila din, soit mutlaqa. Donc il dit, soit il est annexé, et cela, c'est-à-dire, il est mentionné le souverain des hommes, aux hommes, ici. Donc il est lié au terme les hommes. Donc, soit on le voit dans le Coran mentionné, c'est-à-dire mudafan ila nas, avec le terme les hommes, an-nas en arabe, le souverain, le maître, le roi des hommes, ou bien mudafan ila din, ou bien c'est le terme ad-din qui vient après al-malik, al-malik, le terme ad-din, que ici, par exemple, vous avez vu dans la sourate an-nas des hommes. Alors on voit qu'il est mentionné Malik Yawmiddin, pardon, Malik Innas dans la sourate les hommes, ou Malik Yawmiddin, ça c'est dans la sourate Al-Fatiha, dans la sourate de l'ouverture. Donc aussi bien on peut voir la mention du nom parmi les noms soumis d'Allah, Malik dans la sourate Innas, le roi des hommes, et dans la sourate Al-Fatiha, Mudafan ila ad-Din, le roi de Ad-Din en arabe, de manière plus littérale. Maintenant, si on veut comprendre le terme, donc c'est, on traduit par le souverain du jour de la rétribution ou le roi du jour de la rétribution. Ou bien, troisièmement, il dit, le nom Malik est cité d'une manière absolue. Il est cité d'une manière absolue. Donc, il va nous donner les exemples qu'on vient de citer précédemment. Lorsqu'il est cité d'une manière absolue, par exemple, comme dans le verset, dans la parole d'Allah, lorsque Allah Jalla wa Ala dit, Al-Malikul Quddus, Al-Malikul Quddus. Donc on voit, il y a la mention dans ce verset des deux noms, de deux noms. Al-Malik est un nom parmi les noms sublimes, ou Al-Quddus aussi, c'est un nom qui fait partie des noms sublimes d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Donc là, Al-Malik, il est mentionné d'une manière générale. Vous avez vu, hein? Il est mentionné d'une manière absolue. Al-Maliku. Lorsqu'on a parlé tout à l'heure du verset qu'il y a dans Sourate Al-Fatiha, Malik Yawmiddin, et Cheikh ici, il nous dit qu'on peut dire de deux manières, hein? Il y a deux lectures acceptables et authentiques. On peut lire Malik, Malik Yawmiddin, Malik Yawmiddin, comme on peut le lire Malik Yawmiddin. Et ces deux lectures sont authentiques. Donc on voit que il y a le fait que le terme est annexé ici, et il est annexé au terme Malik Yawmiddin, le roi du jour de la rétribution. Ou al mudaf ila nas, et comme on a dit précédemment, lorsqu'il est mudaf ila nas, Malik Innas, Malik Innas dans la sourate les hommes. Donc vous avez vu, ça c'est après observation. Cheikh Ibn Al-Thaymin a remarqué donc dans le Coran ces trois utilisations. Et de ce fait, pourquoi Cheikh Ibn Al-Thaymin insiste sur ce point, il dit, de ce fait, on comprend que an al-mulkiyya al-mutlaqa fi dunya wal-akhirah lillahi azza wa jal. Regardez, c'est très important. Pourquoi Cheikh Ibn Al-Thaymin a insisté sur ce point-là? Il souligne cela. Pourquoi? Parce que ça aura une conséquence sur notre compréhension. Et de ce fait, Cheikh Ibn Al-Thaymin va déduire un enseignement très important, une grande faïda. Il dit, de ce fait, on comprend que la souveraineté absolue, aussi bien dans cette vie d'ici-bas que dans l'au-delà, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, je vous le répète, on comprend de ce fait que la souveraineté absolue d'ici-bas et dans l'au-delà, aussi bien dans cette vie et dans celle de l'au-delà, Al-Akhirah, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la royauté absolue et la souveraineté absolue appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa malikun nas huwa malikuhum fid dunya wal akhirah. Pour cela, on comprend que le souverain est le roi des hommes. Le roi des hommes, c'est le souverain et leur roi, aussi bien dans cette vie d'ici-bas que dans l'au-delà. Donc, dans la sourate, les hommes, lorsqu'Allah Jalla wa'ala dit qu'il est le souverain, le roi des hommes, il est leur souverain et leur roi, aussi bien ici-bas que dans l'au-delà. Wa malik yawmiddin, et lorsqu'Allah dit qu'il est le souverain du jour de la rétribution, huwa al-maliku alladhi tadhhar Mulkiyatuhu ou malakutuhu fi yawm al-din. Quel est le sens de cela? Par exemple, dans la sourate al-Fatiha, lorsqu'Allah dit qu'il est le roi du jour de la rétribution, dans ce verset, le Cheikh nous dit c'est dans le sens que hu al-maliku, c'est le roi, le souverain, dont sa royauté et sa souveraineté vont apparaître le jour de la rétribution. Regardez comment il le dit si bien. Le Cheikh Ibn Uthaymeen, هو الملك الذي تظهر ملكيته أو ملكوته في يوم الدين. Donc sa souveraineté et sa royauté va apparaître réellement aux hommes le jour de la rétribution. حين لا يوجد ملك في ذلك الوقت. Pourquoi? Regardez, il le dit si bien, Cheikh Ibn Uthaymeen. Il le dit pourquoi? Parce que à ce moment-là, le jour de la résurrection, il n'apparaîtra que sa royauté à lui. Et il n'y aura aucun roi, aucun souverain ce jour-là, si ce n'est lui, subhanahu wa ta'ala. Donc il sera le seul souverain, maître et roi. C'est pour cela qu'il est dit dans Sourate al-Fatiha, c'est un sens qui est immense, hein, un sens vraiment à réfléchir et à méditer, car Allah Jalla wa Ala sera le maître incontestable. C'est pour cela que dans un verset, Allah Jalla wa Ala dit « Limanil mulkul yawm » et Allah dira, il dira « À qui appartient la royauté aujourd'hui ?» Donc c'est une interrogation, ça sera une question. « À qui appartient la royauté aujourd'hui ?» Fayujibu nafsa. Et Allah Jalla wa Ala répondra « Lillahi al-wahidil qahhar » et Allah répond en disant « Elle appartient à Allah » Al-Wahid, traduction relative, on pourrait dire, elle appartient à Allah, l'unique, celui qui domine. Wal-Maliku, wal-Malik, idha jumi'a baynahuma, fa'innahu yadharu minhuma kamalun zaidun ala al-kamali alladhi yakunu binfiradihima. Et regardez, Cheikh Ibn Uthaymeen, maintenant, si on a bien compris cela. Donc Allah, Jalla wa Ala, est le roi des hommes. Le roi du jour de la rétribution. Il est le roi d'une manière absolue, le souverain incontestable, subhanahu wa ta'ala. Donc il est aussi bien le roi des hommes et le souverain des hommes, leur maître, aussi bien dans cette vie d'ici-bas que dans l'au-delà. Et sa royauté, sa souveraineté absolue apparaîtra le jour de la rétribution du fait qu'il n'y aura, il n'y aura aucun roi, aucun souverain, aucun maître, si ce n'est lui, subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Ibn Uthaymeen maintenant va nous donner une précision et nous expliquer une précision. On peut trouver le terme Al-Malik en le disant, le nom d'Allah, Al-Malik. Donc on peut dire Al-Malik, comme on peut faire ici un temps sur le mime lorsqu'on dit Al-Malik. Donc faire la distinction, la différence entre Al-Malikou ou Al-Malikou. Al-Malikou ou Al-Malikou. Donc là vous faites bien la différence dans la prononciation. Donc les deux termes sous-entendent et dénotent ici la royauté et la souveraineté. Al-Malikou ou Al-Malikou. Sauf qu'il y a une précision, une subtilité à comprendre ici dans la langue arabe. Il dit « Idha jumira baynahuma » si les deux termes sont liés, ils sont cités ensemble, il dit « alors il va y avoir une perfection en plus de cette perfection déjà existante ». Regardez, à la base, Al-Malikou, le terme seul, ce nom-là d'Allah Jalla wa Ala, dénote la perfection. Et sous-entend la perfection. Al-Malikou kadhalik. De même, le deuxième. Mais Cheikh Ibn Uthaymeen nous dit, lorsque les deux sont mentionnés, idha jumi'a baynahuma, sont mentionnés ensemble, alors là, il y a un rajout de perfection, comme il dit, regardez, فَإِنَّهُ يَظْهَرُ مِنْهُمَا كَمَالٌ زَائِدٌ عَلَى الْكَمَالِ الَّذِي يَكُنْ بِنْفِرَادِهِمَا بِنْفِرَادِهِمَا. Donc ici, la perfection apparaît, ici, d'une manière زَائِد. لِأَنَّ فِي قَوْلِهِ. Pourquoi? Parce qu'il dit, lorsqu'Allah Jalla wa Ala dit, مَلِكِ, مَلِكِ. Donc le nom Maliki, le sens ici c'est tamam as-sulta was-sultan was-saytara was-saytara wa fi malik malik تمام التصرف والتدبير. Regardez ce que cette subtilité que nous enseigne Cheikh Ibn Uthaymeen. Et ça, vraiment, ça va nous aider vraiment à bien comprendre le nom. Alors, il dit, tamam as-sulta, c'est quoi? C'est Malik. Donc, le nom Malik, le souverain, le roi. Donc, regardez, les deux termes, hein, les deux noms, aussi bien lorsqu'on dit al-Malikou, ou bien on dit al-Malikou, sans la prolongation, sans le mat, si vous voulez, sans marquer ce temps. On marque pas de temps ici. Dans al-Malik, on marque un temps. Sur le mime, dans Al-Malikou, là on ne marque pas de temps. Les deux termes sous-entendent, lorsqu'on les traduit littéralement, ça sous-entend le souverain, le roi. Sauf qu'entre les deux, il y a une subtilité, une précision à comprendre. C'est que le nom Al-Malik, c'est le roi, mais si vous voulez, c'est celui qui détient le contrôle, qui a l'emprise sur ses créatures, qui les contrôle, et qui a la souveraineté entière et totale et complète. Donc c'est l'emprise et le contrôle total et absolu. Donc lorsque il y a le nom Malik, il sous-entend, sa signification ici, ce qu'il sous-entend c'est « Tamam al-sultan wa sultan wa saytara ». Donc c'est vraiment l'emprise et le contrôle, la souveraineté qui est total et absolu sur ces êtres. Et lorsqu'on emploie le nom Al-Malik, Al-Malikou, là c'est un même At-Tasarruf wa At-Tadbir. Là c'est la gestion et l'administration ou bien la gérance totale et absolue qui est sous-entendue. Qui est sous-entendue. Donc ça c'est une précision, une subtilité très importante que souligne Cheikh Ibn Uthaymeen. Regardez. وَيَكُنَ الْإِنسَانُ مَلِكًا وَلَا يَكُنْ مَلِكًا يَعْنِ بِمَعْنَى مَلِكْ لَا سُلْطَةَ لَهُ وَهَذَا مَوْجُودٌ مَلِكٌ لَا سُلْطَةَ لَهُ كَمَلِكَةُ بَرِطَانِيَةَ مَثَلًا أو غيرها من من يكون ملكا صورة فينسب إليه الملك كافي الانتخابات والبرلمان وما أشبه ذلك فإذا اجتمع ملك ومالك صار بذلك التمام تمام السلطة والسيطرة وتمام التصرف والتدبير ولهذا جاءت القراءتان تبين هذا المعنى ملك يوم الدين مالك يوم الدين. Regardez ce que Shir ici nous explique ensuite la subtilité. Pourquoi Shir ici appuie sur cette distinction ici, minutieuse et subtile? Il dit parce que la personne ici-bas, il peut être roi, il peut être Malik, roi, donc Malik avec le terme Malik, sans marquer le temps. Wala yakun Malikan. Donc il faut bien comprendre la différence déjà dans la prononciation des deux termes. Donc je la répète, hein, pour ceux qui comprennent pas les deux termes, qui ne connaissaient pas cette différence, pour les plus débutants, Malik, sans marquer le temps sur le mime, ou un Malik. Donc la différence, c'est qu'un individu peut être Malik, roi, il détient quelque chose, Yani Bimarna, Malik, la sultatala. Donc il est Malik, mais il n'est pas vraiment la sultatala. Il n'a pas vraiment d'emprise. Et il dit, par exemple, cela est existant à l'heure actuelle. On voit beaucoup de rois, par exemple, qui n'ont pas le réel contrôle et la réelle souveraineté. Donc, ils n'ont pas la souveraineté véritable. Comme il dit, par exemple, Kamalikt Britannia, Malikatu Britannia, par exemple, il dit comme la reine d'Angleterre, ou bien autre, hein, on a pu voir dans ce monde, des gens qui ont un titre. Il dit, c'est un titre qui leur est donné. Par contre, il n'y a pas la réalité du terme et la réalité du sens, ils ne l'ont pas. C'est juste un titre, c'est une manière officielle. Mais sinon, la réalité du sens, elle ne leur appartient pas. Fayunsab ilayhil mulk. Donc, on leur attribue ici le terme, mais la réalité du terme, c'est-à-dire ce qu'il sous-entend véritablement, le fait que ce Malik, ce roi, est un réel contrôle et une emprise sur, par exemple, ses sujets, ça, il ne le possède pas. Donc c'est une possession qui est en réalité limitée et restreinte. Donc ils obtiennent ce titre par voie de barlamen, comme il dit, ou bien bil-intikhabat, par vote ou autre, wa ma ashbaha dhalik. Fa'idha ijtama'a mulk wa malik sara bi dhalika at-tamam. Par contre, si la personne détient les deux termes, les deux noms, aussi bien al-mulk ou al-malik, aussi bien il détient la souveraineté et aussi bien donc il détient la gestion, l'administration, l'emprise, le contrôle, la vraie souveraineté, s'il détient ces deux noms, sara bi dhalika at-tamam. Donc là, il obtient la totalité, la complétude ici de la souveraineté. Tamam as-sulta wa as-saytara wa tamam at-tasarruf wa at-tadbir. C'est pour cela que Cheikh Ibn Uthaymeen insiste bien sur les deux termes. Celui qui détient aussi bien qui est plutôt al-malik et qui est al-malik, alors lui, il a la totalité, il a le contrôle absolu et total et l'emprise absolue et totale de ses sujets, comme il détient la gestion et l'administration de son univers, de ses sujets. Et celle-ci est absolue et totale, cette gérance-là. Donc, vous faites bien la distinction ici entre le contrôle et l'emprise, la souveraineté, avec la gérance, l'administration ici, des sujets. Lorsque les deux, Malik ou Malik, se lie, donc là, ça rajoute de la perfection. La perfection ici est totale. Et ça, c'est vraiment des subtilités dans la langue arabe. Et ça fait partie de la richesse vraiment de la langue arabe. Des choses qu'il faut vraiment méditer lorsqu'on médite les sens. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen ensuite va nous dire que ces deux descriptions-là, elles n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. De cette manière-là, c'est spécifique et propre à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de sa seigneurie jalla jalalu. Wa lihadha qala Cheikh Ibn Uthaymeen wa kila al-wasfayn min khasa'is rabbil alamin azza wa jal wa huwa muttasif bihima haqiqatan fa huwa malikun wa huwa malikun la ahada yatasarrafu fi mulkihi illa bima sha'a wa la ahada yashfa'u 'inda illa bi'idhni. أما ملوك الدنيا مهما بلغوا من القوة والسيطرة يشفع عندهم بلا إذن يشفع عندهم بلا إذن. Donc regardez, Cheikh Ibn Uthaymeen l'explique très bien. Alors il dit, de ce fait, les deux termes, et moi j'essaie de bien vous les prononcer pour que vous puissiez faire la distinction entre ces deux termes. Donc Malikun, le nom Malikun, ou Malikun, et dit, personne ne les détient comme Allah Jalla wa Ala les détient. Et il dit, huwa muttasifun bihima haqiqatan. Donc Allah est décrit par ces deux noms d'une manière véritable et réelle. Cette description est réelle. La ahada yatasarrafu fi mulki. Il dit que de ce fait, ça sous-entend que personne ne peut gérer cet univers. Personne ne peut faire des choses en dehors de lui dans cet univers. Il est le seul à réellement le gérer et administrer cet univers. Donc il dit, regardez, la ahada yatasarrafu fi mulki, donc personne pourrait gérer quelque chose dans son royaume illa bima sha', si ce n'est une chose qu'Allah Jalla wa Ala a voulu. On ne saurait vouloir sans qu'Allah Jalla wa Ala le veuille. Wa la ahada yashfa 'indahu illa bi idhni. Pour ce fait, il dit, de ce fait, personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Et dit, quel que soit le rang et la puissance qu'ont atteint les rois ici-bas, alors cette royauté est restreinte. Mahma balaru min al-quwwa, quelle que soit la force qu'ils ont atteint dans cette vie d'ici-bas, et quel que soit as-saytara, le contrôle qu'ils ont atteint, alors yushfa 'indahum bila idhn, les gens peuvent intercéder en faveur d'autrui, en faveur de tierces personnes, auprès d'eux, sans leur permission et sans leur autorisation. Contrairement à Allah, par exemple, personne ne peut intercéder auprès de lui sans son autorisation. Donc c'est pour ça qu'il dit que quelle que soit la force, quelle que soit la puissance qu'ont atteint certains rois ici-bas, elle est limitée. Elle n'est pas totale et absolue. Et cette souveraineté-là n'est pas parfaite. Tandis que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite. C'est lui qui gère tout cet univers, qui l'administre, qui a la totale et complète gérance de cet univers. Et c'est lui qui a le contrôle et l'emprise sur ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. Vous savez, c'est vraiment très judicieux que l'imam al-Bukhari, les sens sont forts du fait que l'imam al-Bukhari est mentionné dans le chapitre précédent, l'étude des noms et la mention des noms As-Salam ou Al-Mu'min, il nous enseigne ces deux noms-là. Ensuite, le nom Al-Malik. Al-Malik, on avait appris As-Salam, c'est celui qui met à l'abri, c'est celui qui vraiment protège et qui est le protecteur de ses serviteurs. Il les protège de tout fléau, de tout mal. Et Al-Mu'min, c'est celui qui est le sécurisant, comme on avait dit dans l'étude du chapitre précédent. Le croyant, et c'est le musulman qui a la compréhension des significations des noms sublimes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme on a dit précédemment, la crainte va s'intensifier dans son cœur. Et vraiment là, il va reconnaître la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pas en vain. C'est pas en vain que l'auteur, l'imam al-Bukhari, ensuite, ait cité ce chapitre, relatif ici au nom, le souverain, le maître, incontestable. Lorsque le croyant sait que son créateur, celui pour qui il se prosterne, c'est le souverain, aussi bien dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et c'est celui qui détient la souveraineté absolue et totale, alors là, sa croyance ici va s'intensifier. Et là, il commence à connaître réellement et à réaliser réellement la grandeur et la majesté et la perfection de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, Jalla wa ala, c'est celui qui a le total contrôle sur ses sujets, sur ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Le jour de la rétribution, Allah, Jalla wa ala, comme nous dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fera de la terre qu'une poignée, et des cieux, les cieux, il les pliera de sa main droite, et il dira, c'est moi, le roi, le souverain. Où sont les rois qui étaient sur terre? Et de ce fait, regardez, méditez la sourate les hommes. Méditez la sourate les hommes. Et là, dans la sourate les hommes, Allah Jalla wa'ala nous dit qu'il est le roi des hommes. وَلَمْ يَقُلْ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ. Et donc, on voit que l'imam al-Bukhari a vraiment voulu sous-entendre ici le fait qu'Allah Jalla wa'ala, il a utilisé le verset où Allah dit qu'il est le roi des hommes. Le roi des hommes. Il n'a pas utilisé le verset où il est dit qu'Allah Jalla wa'ala est le roi du jour de la rétribution, le souverain du jour de la rétribution. Le roi des hommes. لِأَنَّ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالًا. Pourquoi? Parce que Cheikh Al-Athami nous explique une règle très importante lorsqu'on dit لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَال. Traduction latine, je vais le traduire par. Pour chaque circonstance, il y a les paroles qui conviennent. Donc chaque moment, chaque circonstance, elle a des paroles qui lui conviennent. Et ça, c'est très important. Donc Cheikh, l'imam al-Bukhari, lui, a voulu dans ce chapitre nous mentionner la souveraineté d'Allah Jalla wa'ala sur les hommes. Donc il a spécifié ici la souveraineté d'Allah Jalla wa'ala sur les hommes. Comme elle est mentionnée dans les deux sourates, surat al-Falaq ou surat al-Nas, donc dans les deux dernières sourates du Coran. Enfin, nazalata li nushrati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que ces deux sourates, elles ont été descendues pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, li nushrati pour, en tant que guérison pour le prophète. Et c'était des sourates aussi protectrices. En lisant ces sourates, Allah Jalla wa'ala nous accorde protection. Et c'est aussi une guérison contre la sorcellerie, lorsqu'une personne est ensorcelée. Et donc, Cheikh Ibn Athaymin ici va nous expliquer quelque chose de très fort, lié à ces deux sourates, en l'occurrence la sourate An-Nas. Vous avez vu l'importance d'étudier les noms sublimes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En l'occurrence ici, je lisais un livre. Je suis tombé sur un livre, je lisais un livre d'un auteur justement qui vantait les mérites de l'étude du Tawhid et le fait d'apprendre la science et le domaine de l'unicité, sauf qu'il a fait une précision. Et donc l'auteur de ce livre a fait une très belle précision après une observation. Donc il dit, il a fait l'éloge de l'étude du Tawhid et la manière dont le Tawhid était enseigné et étudié dans les années précédentes. Donc l'auteur de ce livre-là fait une analyse sur la manière dont le Tawhid était enseigné et comment les étudiants allaient apprendre chez le Mashaykh Tawhid et ensuite cette manière dont il s'est propagé dans le monde entier, dans le monde musulman et autres. Mais ensuite il a parlé d'aujourd'hui. Il parle d'aujourd'hui et fait une analyse que beaucoup, beaucoup qui apprennent le tawhid, il dit, mais aujourd'hui, une fois appris et mémorisé, donc il fait là, ici il fait allusion à beaucoup de jeunes qui apprennent des textes et des épîtres liés au tawhid, comme par exemple, ils apprennent l'usul al-thalatha, au kitab al-tawhid, ou bien al-qawaid al-arba'a, par exemple, qui apprennent kitab al-tawhid par cœur, qui ont mémorisé al-qawaid al-arba'a, les quatre règles, qui ont mémorisé, par exemple, usul al-thalatha, les trois fondements, ou bien qui ont mémorisé al-usul al-sitta, les six fondements, ou autres, parmi les épîtres liés au domaine de l'unicité. Mais il dit, une fois appris et mémorisé, il donne l'illusion à l'étudiant de maîtriser le dogme et le tawhid. Donc ces étudiants vont penser que ça y est, en mémorisant ces épîtres-là, alors ils vont un peu se faire une illusion qu'ils maîtrisent. Ils vont penser qu'ils maîtrisent le domaine du dogme et du tawhid. Alors que très souvent, l'adepte n'a pas reçu l'apprentissage réel, lui apprenant l'humilité, la patience, le renoncement, la pureté des intentions. Conformément à ce que disaient les anciens salafs, nous apprenions les règles d'éthique, adab, avant d'apprendre la science. Cette science, son adab, est l'un des fléaux qui sévit actuellement chez nombre de ceux qui se réclament de cette darwa. Donc ici, c'est une citation. Donc là, on voit que beaucoup, à l'heure actuelle, qui apprennent le tawhid, qui mémorisent parfois des épîtres, eh bien, on voit que il n'y a pas vraiment de réflexion, il n'y a pas de pratique, comme on l'a déjà fait allusion dans d'autres assises. Et ça, c'est important au niveau du comportement, au niveau de l'éthique. L'apprentissage de Tawhid, comme on l'a dit précédemment, ça nous aide justement à voir la grandeur, à connaître, à reconnaître l'immensité d'Allah et que la crainte d'Allah s'intensifie dans notre cœur. Et ça va justement se refléter et apparaître à travers nos actions, nos bonnes œuvres, notre comportement, notre éthique, notre renoncement à certaines choses de cette vie d'ici-bas. Regardez, certains grands salafs disaient qu'ils avaient appris, comme il a rapporté de Abdallah ibn al-Mubarak, qu'ils avaient appris la science en 50 ans. Et ils disaient 30 ans pour le comportement et 20 ans pour la théorie, la connaissance. La théorie et la connaissance. Vous avez vu, le comportement est très important. Pour cette raison, il faut bien méditer ce que mentionne l'imam al-Bukhari dans ce chapitre lorsqu'il a mentionné le verset 2 de sourate les hommes, de sourate An-Nas, les hommes. Et cette sourate est immense parce qu'il y a une grande protection. Ici, c'est une recherche de protection auprès du Seigneur, auprès du souverain et des divinités des hommes. C'est pour ça que celui qui reconnaît qu'Allah Jalla wa Ala est son souverain et le maître des hommes et qui détient cette souveraineté absolue et totale, alors il va rechercher protection auprès de qui ? Auprès de son souverain, auprès de son maître, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que l'imam Sa'di, l'allama, le sheikh Sa'di, dans son commentaire de sourate An-Nas, regardez lorsqu'Allah Jalla wa'ala dit au prophète. Donc Allah Jalla wa'ala s'adresse au prophète en lui disant de dire, « Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, souverain des hommes, il a l'adoré des hommes contre le mal de l'insufflateur furtif, qui insuffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il, c'est-à-dire l'insufflateur, soit un djinn ou un être humain. » Donc une traduction relative de la sourate, les hommes An-Nas. Cher Saadi, rahimahullah, dans cette sourate, regardez dans son commentaire, qu'est-ce qu'il dit ? Des enseignements vraiment profitables. Il dit, « Il est question de la recherche de la protection auprès du Seigneur, souverain et divinité des hommes, contre un shaitan, qui est à l'origine de tous les maux. » Donc, Shaitan, c'est lui qui est à l'origine de tous les maux. Tout le mal que vous voyez sur terre, c'est Shaitan qui est à l'origine. Donc, Shaitan a déclaré une guerre. Une guerre qui est immense, que beaucoup de gens n'arrivent pas à concevoir. Shaitan leur mène et mène une lutte sans merci. Une guerre sans relâche. Et beaucoup de gens n'ont pas conscience de cela. Beaucoup de gens qui vivent sur terre n'ont pas conscience de cela. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas conscience de l'enjeu. De l'enjeu ici. L'enjeu qui est immense, c'est-à-dire à travers cette vie qui est éphémère, cette vie qui n'est qu'un passage, c'est des courts instants, l'enjeu est grand puisqu'on est en train de jouer une vie de l'au-delà qui est éternelle, qui sera sans temps. Il n'y aura plus de temps, il n'y aura plus cette notion de temps. Donc c'est à travers ces instants bien comptés de cette vie d'ici-bas que cette vie de l'au-delà est en train de se jouer. C'est pour ça que l'enjeu il est énorme et immense pour ceux qui sont conscients. Et Shaitan, lui, veut qu'on troque, qu'on délaisse cette vie de l'au-delà et que l'au-delà devienne un enfer, soit l'enfer des gens. Et d'ailleurs, ceux qui suivent Shaitan, cette vie d'ici-bas et celle de l'au-delà sera un désastre. Un enfer sera la déchéance la plus et la perdition la plus totale. Donc les gens, Shaitan leur mène une lutte et une guerre sans merci. Chaque jour, on est en guerre constante, c'est un combat constant contre Shaitan. Et beaucoup n'ont pas conscience et ne réalisent pas cela. C'est une guerre qui est acharnée. Shaitan ne va pas laisser l'individu. Il ne va pas le laisser. Chaque instant, chaque moment qu'on vit, Shaitan combat l'individu. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens, leur vie est un désastre. Beaucoup de gens qui ont fait une action, Shaitan les a poussés. Vous savez, chaque mal que vous voyez dans cette vie d'ici-bas, à la base, c'est lié à Westwest. C'est Shaitan qui a la tête de tout cela. Vous allez trouver un homme, par exemple, qui a assassiné son épouse. Il se trouve enfermé en prison pour de longues années. Certains sont en perpétuité. Il ne sait même pas. La yadril qatil lima qatal wa lal maqtul lima qutil. Le tueur ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a tué et le tué ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a été tué. Et comme ça, et la personne ensuite va être hantée toute sa vie, il va être hanté par ce geste qu'il a fait et il ne sait pas que c'est Iblis, un Shaitan qui l'a poussé à cela pour que sa vie devienne une déchéance, sa vie soit un désastre et ce désastre et cette déchéance et cet enfer commencent ici-bas. Et ensuite qu'il continue d'une manière éternelle dans l'au-delà. Donc il faut vraiment prendre garde. Sauf que l'individu, s'il ne cherche pas protection près de son Seigneur, alors qui va être son protecteur contre un Shaitan? Quand on comprend qu'Allah est le souverain, total, absolu, qu'Allah est le roi, qu'Allah est le maître, aussi bien ici-bas que dans l'au-delà, alors la personne il va chercher protection près de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Regardez, il nous est rapporté d'un certain prédécesseur. Un salaf, un jour il a dit à son élève, il l'a questionné, il lui dit, que feras-tu si Shaitan, le Satan, s'il t'incite à commettre une faute? Que ferais-tu? Alors l'élève a répondu, je le combattrai. Ensuite le shir lui dit, mais s'il recommence, que ferais-tu? Alors il répondit, je le combattrai. Le shir lui continue, l'interroge et lui dit, mais s'il recommence, que ferais-tu? Alors il dit, je le combattrai encore. Alors il dit, cela va être long alors, ça va être très long. Ne vois-tu pas que si tu passais près d'un troupeau, il va lui donner un exemple, une sorte de parabole. Il va lui dire, et si tu passais près d'un troupeau et que le chien aboie pour toi et t'empêche de passer, que ferais-tu à ce moment-là? Tu passes devant un troupeau et il y a le chien ici qui garde le troupeau, il aboie et il t'empêche de passer. Que ferais-tu? Alors l'élève a répondu, je m'endurcirai. Et je le repousserai autant que possible. Je ne cesserai d'essayer de le repousser. Alors le shir lui a dit, ceci sera long pour toi. Ça sera très long pour toi. Mais demande au propriétaire du troupeau de l'éloigner de toi. Demande. Il te suffit de demander au propriétaire du troupeau de l'éloigner de toi. Donc si vous avez compris cette sagesse, regardez cette sagesse de ce shir à son élève. Il lui dit, alors que Shaitan, il veut sous-entendre que Shaitan ne va cesser de nous mener cette lutte et chaque instant, il va essayer de nous faire tomber dans les fautes pour faire que notre vie soit un désastre, une déchéance, alors on doit chercher protection auprès du maître absolu qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là on va comprendre, regardez, l'essence de la sourate les hommes. Regardez, on continue. Et Cheikh Saadi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, donc Allah Jalla wa Ala, c'est le Seigneur et le Souverain et l'adoré des hommes, la divinité des hommes. Et Shaitan, lui, est l'origine de tous les maux, dans tous les domaines. Parmi le désordre qu'il répond, il insuffle le mal dans les poitrines des hommes et il leur embellit ce mal. Et les encourage à accomplir le mal et leur enlaidit le bien. Donc Shaitan, il va nous embellir le mal et va nous enlaidir le bien. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens qui n'ont pas de science, qui n'ont pas de savoir. Pour eux, le mal est bon. C'est pour cela qu'ils trouvent bon de mentir, de voler, d'être méchant, d'être sans cœur, d'être sans pitié. Ça, ils trouvent que c'est bon. Par contre, les bonnes moralités, ça leur est enlaidi. Et c'est qui leur a enlaidi? C'est un Shaitan. C'est pour cela que, dans une très belle parole, il est dit que pour Shaitan, il est plus dur de combattre un seul savant que 1000 adorateurs, que 1000 adorateurs. Pour lui, c'est simple. 1000 adorateurs qui prient seulement, ils font la prière, mais ils n'ont pas de connaissance, ils ne connaissent pas cette religion, ils ne sont pas sur une clairvoyance et une lumière, il est facile pour Shaitan de les égarer. Par contre, un savant, une personne qui est savante de sa religion et qui connaît les ruses et les complots d'Iblis sur lui, alors lui est sur ses gardes et Shaitan va avoir du mal avec lui. Il va vraiment avoir du mal avec lui. Vous allez lui faire du mal. Vous allez lui donner vraiment, vraiment, vous allez le fatiguer avec votre science et votre connaissance. Alors, Shaitan encourage à accomplir le mal. Et donc, il va nous enlaidir le bien en lui donnant une image qui n'est pas la sienne. Regardez ce que nous dit Cheikh Saadi. Cheikh Saadi continue, il dit, Shaitan se trouve constamment dans cette situation. Il insuffle le mal, puis il s'éclipse. En s'éloignant du serviteur lorsque ce dernier cherche protection auprès de son seigneur afin de le repousser. Donc vous avez vu, Cheikh Saadi nous dit que, alors que Shaitan, il te pousse au mal, il t'incite à accomplir le mal, lorsque tu recherches protection auprès de ton seigneur, auprès de ton souverain, de ton maître, alors ensuite il s'éclipse. Il va s'éclipser. Le serviteur doit donc, Cheikh nous dit, chercher secours, protection et soutien auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, par sa seigneurie ar-rububiyya, car il est le seigneur de tous les hommes et de toutes les créatures, toutes les choses entrent dans sa seigneurie et sa souveraineté. Chaque être vivant se trouve donc sous son contrôle. Vous avez vu? Chaque être vivant est sous le contrôle total et absolu d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Aussi par son adoration, on cherche ici protection d'Allah Jalla wa Ala à travers son adoration, qui est la raison pour laquelle Allah Jalla wa Ala nous a créés. Et Shir dit ainsi, ils ne pourront parfaire leur adoration que s'ils repoussent le mal de leur ennemi. Donc l'ennemi évident, ce qu'ignorent beaucoup de gens, c'est Shaitan. C'est une lutte qui est permanente, chaque jour, chaque instant. C'est une lutte qui est permanente. Alors c'est pour ça qu'il faut se préserver, il faut préserver sa famille, son épouse, ses enfants. Shaitan ne laisse personne. Donc il a des armées, il a des ordres, il a des soldats parmi les djinns et parmi les humains. Donc il y a des démons djinns, il y a des démons humains. Donc le croyant doit chercher protection près d'Allah contre les démons humains et contre les démons djinns. Et pour cela, Cheikh il nous dit, cet ennemi-là qui cherche, donc Shaitan, à détourner les adorateurs d'Allah et les empêcher d'adorer Allah. Donc Shaitan, il ne cesse d'essayer de nous empêcher d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'unique désir de cet ennemi est de les compter parmi ses partisans afin de faire d'eux des gens de la fournaise. Et le fait d'insuffler le mal peut être l'œuvre d'un djinn. Regardez, hein, le fait d'insuffler le mal, ça peut être l'œuvre d'un djinn comme celle d'un être humain. Regardez, c'est pour ça que dans le verset, Allah Jalla wa Ala nous dit, c'est pour cela qu'Allah il dit qu'il, l'insufflateur, quand on cherche protection dans la sourate les hommes, auprès du Seigneur des hommes, auprès de l'Ilah des hommes, Allah nous dit, contre ceux qui sont insufflateurs, et regardez, qu'ils soient un djinn ou bien un être humain. Vous avez vu, vous avez des gens qui nous incitent au mal, ça peut être un djinn, un démon, parmi les djinns, et ça peut être un démon parmi les humains. C'est pour ça qu'il faut prendre garde. Il y a des humains qui sont des démons. Donc il faut éviter certaines fréquentations. Et ensuite, Cheikh Saadi dit, et la louange est à Allah, Seigneur des mondes, en premier et en dernier, et de façon visible et invisible. Donc on va s'arrêter sur ça, sur cette explication, et on continuera, Inch'Allah, dans l'allocution de demain, Inch'Allah, sur l'essence et sur l'explication de ce chapitre. Vous allez voir, il y a de nombreux enseignements à tirer ici. Wallahu a'lam, wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.